On arrive à la troisième partie de cette idée de donner la parole à plusieurs médecins avec le temps qui est passé sur cette histoire de virus, de vaccins. Je dis cette histoire, mais en fait, c'est pas du tout la suite de tout ça. Hein, et c'est sûr que les gens ont envie d'avoir la paix, de revivre, etc. Hein. Moi aussi, hein, y a pas de souci avec ça. Mais y a quand même envie de comprendre, quoi. Il y a quand même envie de comprendre à quoi on a joué, à quoi on joue. C'est quoi la suite de tout ça, quoi. Voilà, c'est quand même énorme ce qui s'est passé. Puis il y a des gens qui s'en sont pas remis. Hein. Il y a des gens de toute cette histoire, vraiment. Enfin, voilà. Donc c'est la troisième partie et c'est la fin pour cette saison. De parler de cette histoire de Covid, hein. C'est pas la fin du micro ouvert, mais on verra bien la suite de tout ça, c'est ça que je veux dire. C'est donc en track de l'OIRCT, Observatoire International pour la Réinstallation des Cabines Téléphoniques, qui est né il y a quelques mois à Grenoble, qui est pour, comme son nom l'indique, la réinstallation des cabines téléphoniques à Grenoble et partout dans le monde. Mais certains prennent ça juste pour une blague, un combat passéiste, nostalgique. En fait, c'est avant tout une lutte pour la liberté de ne pas avoir de portable. Dans une société où maintenant pour le moindre geste anodin on est obligé d'avoir un téléphone portable et même de plus en plus d'avoir un smartphone pour queer-coder, flash-coder, être pisté, calculer, tracer. Et donc à travers le symbole des cabines téléphoniques et du hasard des appels dans la rue, objet collectif qui se partage, qui est loin de l'individualisme ambiant, et ben on veut marquer un refus clair et net de la numérisation générale à l'œuvre aujourd'hui. Donc on a fabriqué cette cabine téléphonique qui est mobile, car je ne sais pas si vous avez vu son arrivée, mais elle se met sur roue et ça se transforme en carriole à vélo. Et on a proposé à n'importe qui de passer des coups de fil sur la place Saint-Bruno, après boulevard José-Vallier et maintenant ici. On espère que c'est le début de la reconquête, la remontada des cabines, parce que il y a... En 97, il y avait 300 000 cabines en France. Au printemps dernier, il y en avait plus que 21 en état de fonctionnement. Donc on espère en faire remarcher que des cabines soient réinstallées. Et à ce propos, nous, à Grenoble, là on a cette cabine mobile qui peut être à disposition de gens donc pour des événements ou pour des festivals ou pour à des moments ponctuels. Mais par ailleurs, notre but ultime, c'est d'en réinstaller de façon pérenne, en tout cas d'essayer. À la fois en passant par des dispositifs institutionnels, comme ça va être détaillé un peu plus tard, et à la fois peut-être en passant plus par des procédés sauvages. Et donc on cherche notamment des emplacements potentiels, pertinents, pour réinstaller les cabines. On disait « je vais à la cabine, je vais téléphoner à la cabine », comme si la cabine était le destinataire de l'appel, et c'est pour ça qu'elle répondait. Le sujet cabine du verbe « téléphoner » sonnait des tonalités du réconfort, un habitacle disponible au milieu de rien et de tout. Habitacle, c'est pour toi, Thomas. Changer ses pièces contre des jetons, négocier la disponibilité d'une enclave, c'est pour toi aussi, enclave. S'extraire en quelques pas d'une situation spatiale et acoustique, fermer la porte derrière soi, c'est tout ça, la cabine. Micro ouvert. On est à Oulart. Oulart, chez Gaëtan Bécart. Voilà, Bécart. Alors, j'explique juste ça. La démarche, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de venir vous voir? Eh bien, c'est la suite de ce micro ouvert que j'ai fait avec Eric Bête, avec Yves Couvreur. Et maintenant, c'est vous, Gaëtan. Vous permettez que je vous appelle Gaëtan? Pas de problème. Voilà, je viens vous trouver parce que vous faites partie un peu de cette bande, bah, je dis cette bande pour rigoler, hein, comme ça tout le monde comprend, de cette bande en fait qui s'est bougée dès le début du premier vaccin au mois de janvier 2021. Voilà. Vous avez bougé. En fait, j'avais déjà bougé avant, hein, avec l'association Preventive Vaccinas Israël de Dr. Chris Horblum. Donc on avait publié le Precant, une brochure, en juin 2020, déjà là. Hein. Et, sortir un peu du confinement, du coup, alors Non. Parce que le confinement, c'est en mars. Oui, 2020. Mais c'est surtout parce que, voilà, une vingtaine de médecins donc, qui ont signé la brochure trouvaient que donc, les informations qu'on donnait aux gens n'étaient pas correctes. Et voilà, donc, Preventive Vaccinas Israël, ça veut dire donc, prévenir les dommages liés au vaccin. Donc, on trouve ça vraiment utile d'intervenir donc en tant que médecin, en tant qu'association, pour donner des informations correctes aux gens. Et c'était le moyen qu'on a trouvé. Voilà, donc on a publié en juin 2020. C'est une brochure qui a eu beaucoup de succès, on va le dire comme c'est, jusqu'à l'ordre hein, donc des médecins. Et, donc, jusqu'à l'ordre, ça a été jusqu'aux oreilles de l'ordre, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Donc tous les 18 médecins qui ont soutenu cette brochure sont maintenant encore aujourd'hui en contact privilégié. Hein, mais pourquoi vous le traduisez en néerlandais? Pourquoi ça, c'était plus du côté nord du pays? Oui, donc moi je suis médecin bilingue, hein, donc depuis mes 2 ans et demi je parle tous les jours français et néerlandais, donc je travaille sur Bruxelles, j'ai fait des études à l'université de Vrije Universiteit pour la médecine générale, je termine ici médecin la médecine du travail à l'ULB, donc j'ai fait la médecine tropicale en français. Voilà, quand tu dis que tu as fait, ça veut dire quoi? Que t'as voyagé, t'es parti là-bas? Parce que pas quand... encore, j'ai pas encore pu faire ce rêve-là, mais voilà. Donc mais quoi, ça veut dire quoi? Que t'as pratiqué? Parce que quand tu dis j'ai fait... Il y a 6 mois de formation, hein, on n'est pas médecin... la médecine tropicale, c'est 6 mois de formation à plein temps. Hein. Donc j'ai suivi ça en vers, en français, c'est ou bien en anglais ou en français, voilà. Et puis après, j'ai travaillé quand même pendant un certain temps pour le ministère des Affaires étrangères, pour les diplomates surtout qui partaient à l'étranger, oui. Ici en Belgique? Oui, ici en Belgique, hein, donc pour la vaccination hein, des voyages à l'étranger, surtout pour les diplomates. Voilà, mais le but était quand même, de partir moi-même, hein. Mais ça ne s'est pas encore fait. Ce serait toute une émission en soi de nous raconter concrètement c'est quoi exactement ton métier, parce que tu es au bout du bout là maintenant, tu es médecin généraliste, quoi. Tu soignes les gens. Mais je fais plus. J'ai repris la médecine générale, je veux dire comme c'est, depuis le Covid. J'ai repris la médecine générale. J'avais arrêté il y a 5 ans. Et pourquoi tu avais arrêté? Ah oui, pourquoi? Parce que je faisais les deux. Je faisais médecine du travail plus médecine générale et j'ai fait un burn-out. Et j'ai dû faire un choix. Et je dis, je termine d'abord ces études de médecine du travail. Et alors après, je voudrais faire les deux, quoi, reprendre les deux, quoi. Hein. Comme ça, j'ai aussi... j'avais besoin de sécurité. En fait, j'ai commencé ces études de médecine du travail avec la naissance de ma fille. J'avais besoin de plus de sécurité au niveau financier. Voilà. Et si elle tombe malade, moi, je tombe malade pour que ce soit plus... Voilà, au niveau familial, beaucoup plus... que j'étais plus en sécurité. Voilà. Et j'ai fait... Parce que c'est une réalité aussi, hein, on oublie souvent les médecins, c'est des humains, et eux aussi tombent malades, eux aussi ont des difficultés, eux aussi doivent gérer la vie, quoi. Tout à fait, oui, on est des êtres humains, on tombe malade, hein, donc tout à fait, oui. Donc, voilà. Mais reprenons, parce que sinon on s'égare, excuse-moi, j'ai un petit peu la goutte au nez. Explique-nous, donc, avant que le vaccin sorte en janvier 2021, tu m'expliques qu'en fait, il y a 20 médecins qui se sont mis ensemble et qui ont déjà protesté la venue de ce vaccin, en fait. C'est ça, hein? Tout à fait. Oui. Mais comment ils protestaient alors que ce vaccin n'était pas encore là? parce qu'il y avait déjà les protocoles de Pfizer et Moderna qu'on savait déjà consulter, ça c'est une chose. Et deuxièmement, c'était une expérience, ça se disait déjà, si on était bien informé, on savait que c'était une première fois qu'on utilisait cette technologie ARN, hein, donc ça c'est une chose, et que c'était une expérience qui allait durer pour Pfizer, c'était écrit dans leur protocole, tout le monde peut lire ça, hein, pour l'un c'était 2022, l'autre c'était 2023. Voilà. Donc, et déjà à ce moment-là, on se posait des questions. Moi, quand j'entends ARN, génétique, est-ce qu'il n'y a pas des soucis au niveau de notre ADN? Déjà, simplement ça, déjà. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Est-ce qu'il n'y a pas des soucis? Ça me pose des questions. Voilà. ARN, c'est près de l'ADN. Est-ce que ça ne touche pas notre ADN? Chez moi, c'est très vite, cette question, j'ai eu très, très vite. Hein. Mais dis-toi que tu parles à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. Hein, donc, vraiment, reprends bien les bases, parce que oui... C'est un vaccin classique. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Un vaccin classique qu'on connaît, comme la grippe et tout ça, stimule les globules blancs, uniquement les globules blancs, pour produire des anticorps. Donc, il ne rentre pas dans les cellules. Voilà. Donc, Il rentre dans les cellules. Dans toutes les cellules. C'est pas uniquement le système immunitaire qui stimule, c'est toutes les cellules qui sont stimulées pour produire donc des anticorps en fait. Hein. Oui, ça c'est pas bon, c'est pas bien. Ça fait quand même. Mais dis-toi que tu parles à quelqu'un qui dit non, mais c'est vrai. Moi, ça me faisait peur. Voilà. Moi, je voulais. En tout cas, je me dis, je comprends pas. Et en plus, après 6 mois. En général... Moi, vous avez réussi à me faire peur, hein, alors que j'y connais rien du tout. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils disent, eux ? Non, de faire réfléchir. Moi, le but, c'est de faire réfléchir sur tous les gens. Allez, de se poser des questions. Ça, c'est se poser des questions, parce que je trouve qu'on ne se posait pas beaucoup de questions en ce moment-là. Mais qui ne se posait pas des questions ? Les médecins gens, même les médecins, en effet. Heureusement qu'il y avait le professeur Mathias de Smets, qui était aussi là depuis le début mars 2020, que j'ai entendu parler sur Denis Weberelt, et lui... Parce que moi, je me posais la question, est-ce que c'est moi qui est folle ou qui, je ne comprends pas que mes collègues médecins ne réagissent pas de la même manière. Hein, voilà. Donc, et Mathias de Smet a parlé de hypnose de masse. Et là, j'avais compris. Hein, c'est ça, hypnose de masse. Donc, que les gens ont tellement peur qu'ils se trouvent dans un tunnel et qu'ils n'arrivent plus à se poser des questions, à réfléchir. Et quoi, ce Mathias, ce serait un des premiers qui a bougé, alors Moi, en tout cas... En Belgique, on va dire. Oui, je crois que oui. Ce qui a parlé de l'hypnose, en tant que psychologue, qui a parlé de cette peur, hein, hypnose, et que c'est... Aussi, les gens du gouvernement qui dirigent sont aussi sous hypnose. Hein. Donc ça, la différence entre l'hypnose et l'hypnose de masse, en fait, c'est que celui-là qui hypnotise la population est aussi sous hypnose, en fait. Et maintenant, il a sorti un livre, il est en totalitarisme, donc en néerlandais, mais ça va être publié en 6 langues, donc je crois que c'est vraiment, ça vaut la peine de lire ce livre. Il fait le tour de Flandre aussi pour parler de cette histoire de totalitarisme, parce que bon, il y a une différence aussi. Ça m'intéresse de le rencontrer, du coup, évidemment, mais... Il a fait une interview chez Kairos aussi. Alors, je crois que je vois c'est qui. Voilà. J'aimerais bien le rencontrer, n'empêche. Au côté flamand, il est très connu au niveau scientifique. Hein, et donc, il y a aussi eu un documentaire de Tegenwind, ça s'appelle. Donc, ils sont très beaux. C'est en six parties, avec 6 scientifiques flamands. Donc, il y a Theo Schetters, Maurice Dont, Lieven Annemans, Sam Brocken et Mathias de Smet, est-ce qu'il y en a 6? Enfin, il y en a 6. Voilà, ça vaut la peine d'écouter ce documentaire. Mais donc, dans un premier temps, le premier confinement tombe, c'est l'hypnose générale, OK? Et puis, petit à petit, ça sort du bois. Les gens commencent à se poser des questions, dont toi. Tu peux un peu expliquer le cheminement, comment ça s'est passé ? Premier confinement, bang, qu'est-ce qui se passe ? En plus, comme c'est ton domaine, la santé, la médecine, je ne sais pas si je peux dire le vaccin, c'est ton domaine, oui, le vaccin ? On peut dire ça, hein, médecine du travail, on vaccine, hein, en médecine du travail, la grippe, l'hépatite B, pour tout ce qui est soignant, oui, oui. Hein. Mais quoi, ça veut dire que tu es au courant du contenu de ce que tu vaccines alors, ça veut dire? Parce que tu vois, il y a une différence entre vacciner et être au courant de ce qu'on met dans le vaccin. Ben, y a, moi, tu vois là, la différence? Oui. Donc, je suis depuis 10 ans déjà en contact avec Preventive Vaccinas, donc cette association qui attache beaucoup d'importance à informer les gens correctement de qu'est-ce que c'est chaque vaccin avant de se faire vacciner. Donc, oui, je sais qu'il y a de l'aluminium dedans, il y a des autres trucs, des conservateurs qui sont en fait plus dangereux que l'antigène pour produire des anticorps. Hein. Moi j'ai toujours bien informé les gens, hein, surtout des risques secondaires aussi pour la grippe. Il y a toujours, et j'ai toujours ma seringue d'adrénaline, d'épinéphrine tout près de moi. Donc il y a toujours ce risque, je le dis aussi. C'est quoi cette seringue? C'est l'adrénaline, c'est en cas de choc anaphylactique. Hein. Donc chaque médecin doit l'avoir quand il vaccine. Hein. Sinon, c'est une faute professionnelle. Donc, ça veut dire que les vaccins ne sont pas des bonbons. Et c'est ça que j'ai toujours dit, je dis toujours aux gens. Parce qu'ils disent, oui, mais je ne sais plus quand j'ai eu mon tétanos, c'est pas grave, redonnez-moi un nouveau tétanos. Je dis, non. C'est tous les 10 ans. Et voilà, si vous demandez d'abord à votre médecin généraliste si vous l'avez eu ou quoi, mais si ce n'est pas nécessaire, je ne le fais pas. Parce qu'il y a des risques à ça. Il y a des risques, un choc anaphylactique, mais il y a d'autres risques aussi, des autres complications aussi. Hein, donc, parce que vous, Gaëtan Beckart, docteur, vous avez eu des ennuis en fait, parce que vous avez pris position, vous avez eu des ennuis avec d'autres alors, si je comprends bien. Vous avez dû passer devant l'ordre des médecins parce que vous ne teniez pas le même... Mais on est quand même dans un monde de dingue. Parce que vous ne teniez pas le discours que le gouvernement demandait d'avoir, c'est-à-dire pro-vaccin, quoi. C'est ça, hein? À 100%. Parce que moi, je ne m'appelle pas du tout anti-vax, vu que je vaccine donc, au travail. Donc j'informe les gens. Ils disent, je prends le vaccin. Ou je ne prends pas. Voilà. Mais donc je respecte le choix des gens. Et je donne aussi, en général, je donne la notice en cas où, par après, comme ça, ils savent, c'est lié au vaccin, c'est pas lié au vaccin. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Vos ennuis, quels sont vos ennuis que vous avez eus? C'est quoi un peu le suivi de tout ça? Donc, j'ai eu une première lettre 3 mois après la parution de la brochure, en septembre 2020. Hein, donc, comme quoi je devais m'expliquer pourquoi j'avais soutenu cette brochure anti-vax. Ils avaient déjà mis l'étiquette anti-vax, hein, alors que ce n'était pas du tout notre but. Hein, donc, oui, vous et les 18 autres médecins, ouais, quoi. Tout à fait. Hein. Donc, là, je me suis posé la question. J'ai dit, je trouve que les gens ont le droit d'être informés. C'est écrit, il y a des lois de la droit des patients. On doit, en tant que médecin, aussi les informer. Qu'est-ce qu'ils disent à ça, alors, quand vous dites ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent pas beaucoup. En fait, quand j'ai été à la première réunion, la commission d'enquête, hein, c'était quoi? C'était janvier 2021, c'était à ce moment-là. Et il me faisait comprendre que je devais absolument être pour le vaccin. 100%. Je suis sortie de là, voilà, c'est ça qu'ils veulent me faire comprendre. Je dois absolument persuader les gens à se faire vacciner. Je peux poser une question. On retient là où on en est. Hein. Ouais. Mais quoi, durant vos études, vos formations, est-ce qu'on vous a déjà tenu un discours comme ça? Comme l'ordre des médecins vous dit, vous devez absolument... Pas aussi fort. Bon, pendant nos études, en effet, on n'a eu qu'une facette des vaccins. C'est bon. Hein. C'est bon. Il n'y a pas d'effet secondaire. Hein. Ça, c'est... Oui, ça, c'était par après que... avec l'expérience que je... Et alors, en allant à des conférences aussi de docteurs... Là, que là, tu te poses des questions. Voilà, tout à fait. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, reprenons là où on en est, où tu te retrouves devant l'ordre des médecins et qu'est-ce qu'ils te disent? Vous devez absolument vacciner. Oui, et qu'est-ce que tu leur réponds, toi? Et alors, il dit surtout, quand vous, hein, quand vous avez quelqu'un, parce que bon, avec les vaccins Covid, ça ne va pas comme ça, on ne sait pas les envoyer les gens à la maison et alors ou qui décident ou qui se posent des questions, hein, donc il faut juger, sur le moment même, il faut que tu te vaccines, hein, donc on ne sait pas faire comme avec les autres vaccins, parce que c'est ça que je fais aussi souvent, c'est quand les gens hésitent, hein, je donne la boîte avec. Et comme ça, ils se font vacciner chez leur médecin. Comme ça, ils ont le temps de se poser des questions, de s'informer correctement. Hein, voilà. Mais ici, ils disent, ouais, mais c'est pas possible avec le Covid, vu qu'il doit être tenu à moins 80 degrés. Là, c'est pas possible. Il faut agir. Mais pourtant, je vais agir de la même manière. Moi, je vaccine pas quelqu'un qui n'est pas bien informé et qui hésite. Voilà. Et je crois que ça, ils n'ont pas accepté. Comment tu sais ça, qu'ils n'ont pas accepté? J'ai senti ça que, voilà, je l'ai senti. C'est vraiment le but de la commission. Je peux vous dire n'importe quoi avec des études scientifiques prouvées ici ou que j'étais dans mon bon au niveau de la déontologie, que j'assistais bien en tant que médecin. Mais c'est ça qu'ils voulaient absolument entendre. C'est que oui, je vais vacciner les gens. Je vais persuader les gens à 100% pour se faire vacciner pour le Covid. Voilà. J'ai même parlé de ce choc anaphylactique. Ouais, mais ça arrive très rarement. Ça... Voilà, donc non. Mais c'est quoi cette idée d'être parce qu'on dit, si on fait des recherches et tout, que c'est un vaccin expérimental. Ça, tu leur as dit aussi? Alors, oui, des médecins? Ben oui, quand on a dit ça, mais bon, ils m'ont pas répondu à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui est sorti? Donc, il y a justement avec Dr Eric Beth et Dr Yves Couvreur qui ont été au Conseil d'État avec l'avocat Philippe Van Langen. Donc, je n'étais pas présente, mais il y a l'avocat de l'ordre qui a sorti, mais c'est farfelu. Vous êtes des farfelus, vous? Non, cette information, c'est farfelu. Hein, donc, le fait d'être expérimental. Voilà. Le fait qu'on dit ça, c'est des informations farfelues. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a moyen de dire contre cette idée-là? C'est grave quand même qu'ils disent ça, qu'ils sont, hein, que l'ordre des médecins, leur avocat, disent ça alors que c'est écrit noir sur blanc. Qu'ils ne prennent pas ça au sérieux, que c'est justement ces vaccins sont expérimentaux. C'est quand même grave. C'est ceux qui ont créé les vaccins qui le disent en plus. C'est qui disent que c'est expérimental? Oui, naturellement, Pfizer, Moderna, ils le disent, hein, c'est écrit, et même c'est marqué, hein, leur étude va jusque 2022, va jusque fin 2023, on sait le lire, hein. C'est comme si l'ordre, ne lit pas ces documents, ou n'est pas au courant, je ne sais pas, ou hypnotisé, ou des marionnettes, voilà, ça aussi peut-être, des marionnettes, question d'argent, hein. Donc que l'ordre est sous emprise du gouvernement ou plus haut, et une question d'argent là derrière. Et... Ouais. Ouais, parce que c'était un peu ma question, mais pourquoi cette manière de fonctionner de l'ordre, en fait? Pourquoi il vous écoute pas? Il va faire des recherches? Il dit, ah oui, on est... Tu vois, c'est quoi la logique, en fait, de tout ça? C'est quoi le moteur de tout ça pour... hein? Parce qu'il y a vraiment une... Ça peut être que l'argent. En tout cas, voilà, donc, aussi bien mes collègues, hein, donc... Il y a un collègue aussi, Dr Johan Denu, il a carrément perdu sa licence. Hein, donc, il est venu avec un tas d'études scientifiques. Hein, c'était pour les masques, là, je pense, à ce moment-là. Un tas de revues scientifiques comme quoi les masques n'avaient pas... c'est pas prouvé que ça fonctionne. Hein, hein, et voilà. Et alors, ils l'ont dit carrément. Oui, mais nous, c'est les règles que vous devez suivre, monsieur le docteur. C'est pas ça. C'est les règles qu'il fallait suivre. Les règles étaient plus importantes que les études scientifiques. Voilà. Vous pouvez pas vous poser de questions, en gros. C'est ça, quoi, qu'on vous demande. Mais c'est énorme, quoi. On doit être des marionnettes. Hein. C'est les règles. C'est le gouvernement dit, l'ordre dit, on doit faire comme ça. Et donc, on doit faire comme ça. Donc, moi, je me dis, si eux sautent par la fenêtre, du dixième étage, je dois le faire aussi. Ça, pour moi, ça arrive à la même chose. Hein, Mais qu'est-ce que tu te dis, toi, docteur Gaëtan Beckart, de tous? Parce que c'est sûr que maintenant, les gens qui nous écoutent, ils peuvent aller faire des recherches. Hein, il y a pas beaucoup de gens qui se bougent, mais ça commence de plus en plus. On entend vraiment un autre son de cloche, parce que c'était vraiment... c'est grave ce qui se passe en ce moment, quoi. Comment tu traduis ça, toi? Comment tu expliques ça, en fait? Tout ça, ce qui se passe. Mais en fait, ça a commencé depuis très longtemps. Hein. On prend de chaque fois notre liberté. Hein. Ça a commencé tout par petites choses comme ça. Hein. Bon, quand je parle avec mon papa, par exemple, qui est dans les années 50, il dit « Oh, là, on était libre, on avait ci et ça, on pouvait jouer sous la rue. Hein, » et que maintenant, voilà, donc aussi pour la voiture, tout ce qu'on doit payer pour ça. Les gens aussi, maintenant, il y a toutes les familles, on doit travailler à deux pour savoir payer une maison. Avant, il y en avait qu'un qui travailler, c'était possible. Donc voilà, donc il y a plein d'autres choses. Maintenant, on voit les caméras. Allez, il y a personne qui bouge. Ça fait depuis un an ou deux. Tu veux dire, il y a les caméras sur la rue. Ici, dans le quartier, chez vous. Pas seulement ici, sur les autoroutes. Oui, dans les villes. C'est normal, ça. C'est normal. Il y a personne qui bouge. La 3G, 4G, là, on va à la 5G. Est-ce qu'on se pose, bon, c'est pas bon pour la santé, il y a des preuves scientifiques et il y a presque personne qui bouge. Allez, c'est ça que je veux dire. Il y a de plus en plus de choses qui ont un impact sur notre santé, sur notre liberté et on bouge pas. Peut-être c'est parce que oui. Pourquoi tu bouges toi? Tu bouges, toi? Je pense que je bouge. J'essaye de faire qu'est-ce que je peux, oui. Oui, j'essaye de faire qu'est-ce que je peux. En tout cas, la 5G, ça rentre pas chez moi. Allez, bon, je suis occupée avec des câbles et tout ça aussi. Déjà, même la 4G, et je coupe le plus possible. Et sincèrement, si je savais vivre sans smartphone, j'aimerais bien. Hein. Mais bon, pour le travail, pour certaines choses, bon, ben, en effet, bon, si on veut informer les gens, ça se fait quand même par les réseaux sociaux et tout ça. Hein. Donc, c'est vrai que bon, il faut faire le pour et le contre, en fait, mais de toute cette technologie, je ne dis pas, je ne suis pas 100% contre la technologie, mais il faut quand même aller... À un moment donné, il faut faire un choix, hein, voilà. Parce que tu vois, on n'est pas pour, on n'est pas contre. J'entends beaucoup ça quand je fais des interviews, je ne suis pas pro ou je ne suis pas anti, tu vois. Mais en même temps, il y a un moment donné, c'est soit on avance avec cette technologie, soit on n'avance pas. Tu vois, tu peux pas prendre uniquement... Mais la 3G est assez. Pour faire ça, c'est bon avec la 3G, pour faire des trucs. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la 5G ? Oui, moi je suis d'accord avec ça. Hein. De toute façon, moi-même la 3G, je ne suis même pas sûre qu'on est plus intelligent avec notre téléphone tout le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais il faut vivre quelque part avec notre temps. Hein. Je peux tout à fait d'accord avec ça. Mais il faut quand même voir que ça n'a pas un impact sur notre bien-être aussi. Et là, la 5G, même déjà la 4G... Pour moi, ça a clairement un impact sur notre santé, sur notre bien-être. Et sur notre liberté avec leurs caméras, là, parce que... On s'égare un peu, Gaëtan. Ou alors, refais-moi le lien. Comment ça se fait que tout ça se passe comme ça? OK, c'est une histoire de gros sous, ouais. Mais... Mais aussi parce que ça s'est fait à petite dose. C'est pas en grand. On n'a pas pris comme ça. Il n'y a pas eu un coup comme ça où on prend toute votre liberté. Mais ils font ça depuis des années à des petites doses comme ça. Et alors, vu que c'est des petites doses, on ne ressent pas vraiment ça ou on s'habitue très vite. L'être humain s'habitue très vite. Et voilà, on n'agit pas. Mais oui. Ici, peut-être ici quand même, là, peut-être les gens commencent à vraiment agir. Hein, bon, parce que ça quand même, c'est grand. C'est gros, qu'est-ce qui se passe avec le Covid pass, la polarisation entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas. Allez, c'est vivable tous les jours. C'est quand même quelque chose qui a un grand impact ici maintenant sur notre vie, en fait, toutes ces histoires de Covid, passe de vaccination, même dans les familles, hein, des problèmes de conflits entre les vaccinés et les non-vaccinés. Donc, allez, maintenant, c'est des choses importantes qui se passent au jour le jour. Voilà, donc, et je crois que c'est à cause de ça, maintenant, que les gens... se réveille peut-être, enfin une partie des gens se réveille. Ouais. Tu trouves que les gens se réveillent? T'en as vu, toi? Pas assez, hein, pas assez. Il te faudrait encore 60%, je pense. Il y en a, je crois que j'ai entendu qu'il y avait. On était 10% qui étaient bien éveillés, 30% pas du tout, mais 60% qui sont entre les deux, là. Oui, c'est. Ouais, mais ça demande beaucoup d'efforts aussi. En fait, c'est prendre la liberté. La liberté demande une certaine, de prendre des responsabilités aussi, hein, si on veut être libre, si on veut se battre pour sa liberté, sa santé. Dans le confort un peu, c'est ça. Tout à fait. On doit perdre son confort, en fait. C'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà, sortie de l'inconfort. Oui, c'est ça. Oui, parce que ce qui se passe, c'est grave ce qui se passe. Mais il faut se mettre un peu au courant, il faut faire un peu de la recherche, un peu, hein, parce que, par exemple, moi, j'entendais, maintenant, ça semble, je ne sais pas si toi, tu t'es renseigné par rapport à ça, le cycle menstruel des femmes. Alors, il y a un site, enfin, c'est plutôt une plateforme, hein, qui s'appelle « Où est mon cycle ?» d'une fille qui s'appelle Mélodie, qui a recensé... plein de témoignages de femmes qui ont un souci avec leurs règles. Moi, j'ai entendu un témoignage. Tu dis ? Post-vaccination. Ouais. Ouais. Elles n'ont plus leurs règles alors qu'elles ont 20 balais. Ou elles ont tout le temps leurs règles, quoi. Et ça les épuise. Fin... C'est quelque chose qu'on entend souvent. Hein. Donc, entre médecins aussi. Hein. C'est quelque chose... Un des effets secondaires le plus fréquent, c'est bien cette perturbation des cycles chez la femme. Ouais, ça c'est. Ouais. Et alors aussi ces problèmes de thrombose, de tout ce qui est au niveau sanguin là, hein, c'est quand même. Ouais. On parle de décès aussi. Enfin voilà, moi j'ai pas fait plus de. Mais pareil que voilà, c'est. Sur ultra vigilance, hein. Il y a des chiffres là, bon ben, il paraît que c'est à peine 10%, donc on devrait faire x10, hein, mais déjà les chiffres sont énormes là, hein. Donc début janvier là, bon maintenant je ne sais pas aujourd'hui, mais début janvier c'était 1 500 000 en Europe, hein, d'effets graves, secondaires graves, donc ça veut dire irréversibles, hein, donc comme la cécité, comme des transmyélites, donc hein, des paralysies, des hépatites, des maladies du foie, auto-immunes. Auto-immunes, voilà, c'est ça que je veux dire, oui. Ouais. Mais... Ce qui est marrant, c'est pourquoi toi et moi et d'autres gens, on est d'accord de tenir ces propos. Tu vois, ça ne me choque pas ce que tu dis. Ouais. Et pourquoi la santé, le gouvernement, pourquoi tu vois, j'ai du mal à comprendre c'est quoi la logique, quoi. C'est comme si, tu sais, on est critique, on se pose des questions, on regarde les choses. Enfin, je veux dire, la mélodie là qui a répertorié, tu sais, elle crée une plateforme pour dire. Il y a des problèmes avec les cycles des femmes et hop, elle reçoit plein de gens, plein de femmes. Je veux dire, c'est pas du fantasme, c'est du concret, quoi, tu vois. Jusqu'où, j'ai l'impression qu'on... C'est bien qu'elle ait créé ça, cette mélodie-là. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que j'entends quand même assez souvent encore des gens, une semaine, deux semaines, un mois après leur vaccination, maintenant le troisième, là, le booster, ils ont des plaintes, des bras qui gonflent ou je ne sais pas quoi, et ils ne font pas la liaison avec le vaccin. Voilà, hein. Voilà, voilà. Ou je ne sais pas, ils nient ou je ne sais pas, mais ils ne font pas la liaison avec le vaccin. C'est incroyable, ça. Mmh. Donc c'est bien ici, si ces femmes sont conscientes du fait que c'est lié au vaccin, c'est déjà... je trouve ça bien. Mmh. Ouais. Oui, et cette mélodie, elle va aller voir les eurodéputés à Strasbourg. Elle va avoir une audience, quoi. Voilà, je trouve que voilà, c'est à suivre, tu vois. Parce que c'est ça aussi qui va faire qu'on se réveille. C'est de se rendre compte qu'en fait, tout ça, tu vois, c'est pro-vaccin, on peut plus critiquer, on peut plus se poser des questions. Enfin, c'est comme si on demandait d'être fou un peu, hein. Tu vois ce que je veux dire? De pas regarder le réel, quoi. Il faut être... Il y a des médecins, il faut le dire comme ça. Bon, moi, je trouve ça criminel aussi. Hein, donc, quand quelqu'un constate qu'il a un problème suite au vaccin, il va chez son médecin et le médecin dit « Oh non, c'est certainement pas lié au vaccin. Ouais, » Il y en a comme ça aussi. Hein. Donc, où il y en a un là, qui était retourné au centre de vaccination. « Ah, monsieur, vous avez choisi le vaccin, c'est votre responsabilité, c'est pas notre responsabilité. » Voilà, des réponses comme ça. T'as entendu ça ou c'est des... J'ai entendu ça, oui. Ouais. Donc, voilà, donc, ouais. Ça fait peur, hein. Ça fait peur, mais il faut savoir ça aussi, que c'est celui-là qui est vacciné, qui est responsable, c'est lui qui devra payer à 100% ses effets secondaires, et c'est par après, parce que c'est pas le gouvernement qui est responsable, ni les firmes pharmaceutiques, il faut bien le savoir, hein. Ça aussi, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est comme ça. On en est à la 100e là, de dose ici en Belgique. Je ne sais plus, c'est... Non, quatre... On a eu le booster. Trois, la troisième. Hein. Quatrième. Ah ouais, parce que moi, j'ai décroché un peu là. Hein. Il parle de la quatrième maintenant, hein, déjà, ouais, pour mai ou quelque chose. Enfin, ouais. Je ne sais pas comment ça dans les maisons de repos. Peut-être ils ont déjà commencé, mais c'est la quatrième. Maintenant, on parle de la quatrième. Hein. Ouais. Donc, je voulais dire par rapport aux effets secondaires encore. Il y a eu Dr Pascal Sarquet qui est passé là ici le 22 mars donc hein, à l'ordre à la commission hein, première étape et il a bien dit et je suis d'accord avec lui il faut que les bon nous on parle on est plusieurs médecins là maintenant à parler à l'ordre à dire hein, donc il y a des effets secondaires des morts et tout ça mais il faudrait que la population le dise aussi à l'ordre d'envoyer tout de suite à l'ordre donc des lettres avec les complications, voilà, pour que ça ne vienne pas uniquement de nous, les médecins, mais que ça vienne aussi des citoyens, de faire comprendre qu'il y a un problème là, avec les effets secondaires, enfin avec ces vaccins, quoi. Ouais. Mais tu n'as pas l'impression qu'on rentre petit à petit comme ça dans un monde de dictature, quoi, totalitaire un peu. Je veux dire, c'est comme si... C'est comme si, de toute façon, ce qu'on pourrait amener, voilà, c'est un peu défaitiste comme manière de voir, mais parce que moi, je me pose vraiment souvent la question, mais pourquoi c'est comme ça? Ça va. Faut pas les prendre non plus pour des idiots, quoi. Tu vois, ils sont pas plus idiots que moi, qui n'y connais absolument rien en médecine, en santé. Je veux dire, et pourtant, je me pose quand même des questions, tu vois. C'est comme si eux, carrément, ils jouaient un peu les hypocrites en faisant, on veut pas savoir, mais au fond, Tu vois, ils sont occupés à installer, avec, grâce au Covid, tout un système comme ça qui est froid, quoi, qui ne discute plus. J'entendais aussi qu'en France, il y a Macron qui a créé un conseil de défense, quoi. Un conseil de la défense suite au Covid, quoi. Ben c'est un conseil de la défense, tu vois, la défense militaire. Là, c'est un conseil de défense pour le Covid, quoi. Tu vois, un conseil. Tu dis des militaires pour aller attaquer les citoyens ou quoi ? C'est le mot utilisé, toi. Un conseil de la défense en France suite au Covid, quoi. Tu vois, on est dans les lois martiales, on est au-dessus de tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es un petit peu aussi, toi, renseigné sur nos droits ici en Belgique avec tout ce qui s'est passé. C'est aussi énorme, quoi. Tu vois, on est... Mais moi, je trouve ça ici une atteinte à la liberté d'expression. Qu'est-ce qui se passe avec nous, hein, avec le fait qu'on a publié une brochure, c'est s'exprimer qu'on fait, en fait. Hein. Donc, c'est atteinte... Non, c'est aussi au droit, à nos droits, à la Constitution. Enfin, tout ça, c'est balayé. Oui. Tout à fait. Ils ne respectent pas les droits humains, non, à l'ordre. Mais bon, je suis aussi en contact avec, maintenant, qu'est-ce qui vient de sortir ici dernièrement avec le Covid, c'est la souveraineté des gens, hein, l'autonomie, la souveraineté. Donc il paraît qu'en fait, on est tous des numéros. Et l'ordre est aussi une entreprise. Hein, donc en fait... On est ici dans le droit du commerce. Hein, donc, il faudrait plutôt aller au pénal ou à la cour de constitutionnelle pour que, éventuellement, nos droits humains soient respectés. Parce qu'ici, on est dans le droit de commerce. Et voilà, ils font pas attention à nos droits humains, à la constitution belge. Ils ne respectent pas la constitution belge. Ça, c'est, ouais. Oui, mais avec le Covid, c'est rentré vraiment dans un drôle... Ouais, alors qu'on savait que c'était déjà le cas, mais fait plus sournoisement, plus finement. Mais là, avec le Covid, c'est carrément... C'est une crise politique, c'est pas du tout une crise sanitaire, hein, ou médicale. Hein. Donc, tout ce qu'ils font, moi, en tant que médecin, je ne comprends pas les lockdowns ou qu'est-ce qu'ils font. C'est tout à l'envers de l'économie et tout ça. Donc, s'ils pensaient à l'économie, ils n'auraient pas fait un lockdown à 100%. Hein. Donc, les personnes qui sont fragiles, on les met en lockdown, mais pas toute une population. On ne ferme pas des écoles et tout ça. Ça a un effet important, néfaste sur tout ce qui est les entrées financières, le social et tout ça. Donc, on ne fait pas des choses comme ça. Si on pense vraiment à la santé des gens, on ne fait pas ça. Hein. Les GAFAM ont explosé. Ça a marché pour eux. Ça a cartonné. Hein. Tu vois, Google, tous ces réseaux, ça a cartonné pour eux. Parce que le petit commerçant ou l'indépendant, lui, ça a été la merde. Mais tu vois, c'est ça. De toute façon, j'ai l'impression qu'on se répète, moi. Oui. Mais il paraît qu'il y a une avocate Virginie de Arro, Rekia. Ouais, c'est un nom compliqué, mais la dame a l'air d'être L'ose parler, hein. Tu la connais un peu ? Non, mais... C'est une avocate de Paris qui a été arrêtée le 22 mars 2022, très tôt le matin devant ses enfants, il paraît, pour intimider, quoi, voilà, parce qu'elle a dénoncé l'inutilité et la nocivité du masque, les effets dramatiques du confinement, les conséquences découlant de ce confinement... violation des droits aussi, enfin tu vois, elle a... Mais on l'a fait passer... C'est pas normal qu'elle se fait arrêter, vu que justement elle s'est exprimée de nouveau. C'est pas normal. Elle se fait arrêter pour une complotiste, tu vois, qui fait des... Enfin, ça, on lit dans les médias dominants, quoi. C'est quand même grave. Allez, bon... Moi, je vois ça plutôt comme elle a parlé, elle a ouvert sa gueule, comme on dit, et maintenant elle se fait arrêter. Donc voilà, c'est comme si elle pouvait plus, on peut plus parler ici. Oui, voilà. Mais voilà, j'aimerais bien que les gens qui nous écoutent, quoi, parce que voilà, moi, je suis pas pour ce monde. Ça m'amuse pas de dire qu'on est en dictature ou. Preuve, qu'est-ce qui t'a. Une autre expérience que j'ai eue aussi dernièrement, le 23 janvier, lors de la manifestation. Donc, j'avais déjà. Je sentais. Rappel pour les gens qui n'étaient pas, c'est le 23 janvier, il y a eu une grande manifestation ici à Bruxelles, européenne, contre le pass et contre justement. Ouais, contre les mesures sanitaires, en gros, quoi. Oui. Déjà, qu'est-ce que je vis avec l'ordre ? Je trouvais ça pas normal. On n'est plus dans un État démocratique. Mais là, j'ai été arrêtée par la police, hein, le 23 janvier. Donc, c'est vrai ? J'ai été pendant 2 heures en prison. Hein. Donc, allez, et j'ai même pas... Donc, voilà, donc... Mais pourquoi t'as été dans cellule, alors t'as été... C'est la première fois ? Oui, la première fois. Et oui. Ça faisait quoi ? Mais ça faisait bizarre. Parce que je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin. Hein? Donc, voilà. Donc, on devait dégager le cinquantenaire à 2 heures. Là, ils avaient décidé, la police, qu'on devait partir, alors que la manifestation était normalement prévue jusqu'à 6 heures du soir. Déjà ça. Bon, voilà, je me trouvais encore... je voulais quitter le cinquantenaire. Et visiblement, ce n'était pas vite assez, parce que j'étais entourée par la police. On était une centaine de personnes entourées par la police qui voulaient quitter le cinquantenaire. Je dis bien, on voulait quitter le cinquantenaire. Donc, on faisait ce qu'eux voulaient. Hein. Donc, parce qu'ils étaient là avec leur matraque, leur gaz lacrymogène et leur pompe à eau. Là. Hein, donc, pour notre sécurité, on voulait tous quitter le cinquantenaire. Mais visiblement, on n'était pas vite assez. On a été encerclés, là, une centaine. Là. Et j'ai encore demandé gentiment à une policière qui était devant moi, écoutez, laissez-moi passer. Je sais passer là-bas, je quitte le cinquantenaire. Ah, je ne pouvais plus partir. Je ne pouvais plus. Et je n'ai même pas vraiment eu clairement des explications pourquoi, quoi et quoi, hein, donc, ou me défendre ou parler, rien. Et encore aujourd'hui, maintenant, on est... Hein, donc quoi, ça, ils ont embarqué les 100 personnes ? Ah, on a été embarqués. Et comment, en camionnette ? En leur grand bus, là, de la gendarmerie. 100 personnes embarquées ? Oui, il y avait 5 bus, hein, prévus. Et j'ai été menottée et tout, hein, mais sans explication, hein. Vous n'aviez pas à être là où vous ne devez pas être. Et même pire que ça, parce que je voulais partir. Trop tard. allez, alors, mais, voilà, donc moi je me dis, qu'est-ce, voilà, depuis ce jour-là, je me dis, on est plus dans, vraiment, on est dans une dictature, on ne peut plus parler de démocratie ici en Belgique. C'est interdit de manifester, en fait, en gros. Hein, parce que le 23, c'est ce qui s'est passé, les gens. De nouveau aussi, les gens qui voulaient s'exprimer, parce qu'il y avait des gens qui étaient invités, comme Rainer Fulmich, et, hein, donc le professeur Perron. Enfin, il y avait plein de personnes qui voulaient venir parler. Eh ben, de nouveau, ça a été voilà, bâclé. Hein. Donc, moi, j'appelle ça de nouveau atteinte à la libre expression. Oui, oui, ça a été empêché, quoi. Moi, j'y étais aussi, hein, et pas chaque dimanche, mais plusieurs dimanches. Et c'était un peu toujours la même dynamique, et essayer de casser, surtout le 23, où c'était un grand rassemblement avec plein de pays européens, alors que les gens étaient pacifistes, que c'était... Enfin, moi, je me souviens, c'était puissant. Hein. Tous les gens qui étaient là... C'était, ça se fait du bien de voir, hein. Et puis on voit la police qui vient casser ça, quoi. Vraiment casser, hein. Et donc oui, je comprends qu'on se dise qu'il y a une volonté de ouais, d'empêcher ça, de manifester, d'empêcher de s'exprimer, hein. Ouais, clairement. Oui, j'ai l'impression que c'est plus simplement du blabla. Ou tu sais, moi, genre, ça me faisait rire quand j'entends oui la liberté d'expression, on est empêché de parler. Ça me faisait. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment, quoi. On entend des gens qui se font arrêter le matin très tôt. Ça va très loin. Hein. Voilà. Je pense pas qu'il y a 10 ans, allez, j'aurais été en prison, quoi. Voilà. Tu crois pas? Tu crois que tu aurais pu manifester? Non, je crois que voilà. C'est maintenant, c'est cette époque-ci où oui, c'est grave. Qu'est-ce qu'on vit là maintenant? Et c'est pour ça que je, encore ici, maintenant, si j'ai l'occasion de dire aux gens, il faut absolument, il faut se lever, il faut défendre nos libertés et nos droits. Voilà, hein, donc il y a une expression là, de Jean-Jacques Rousseau là, qui dit, si un peuple ne se défend pas, ne défend pas sa liberté et ses droits, ben, il est mûr à l'esclavage. Hein, mais voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il faut vraiment se lever. Ils sont là maintenant avec le passeport digital. Là, hein, donc, en ce moment Ils parlent de ça au niveau européen. Je ne sais pas, juin maintenant ou septembre. Hein, donc un genre de passeport à points, et si tu as des bons points, donc si tu es bien vacciné, disons, hein, tu as des bons points, alors tu peux voyager ou alors tu peux te déplacer en voiture, hein, et si tu n'as pas des bons points, ben alors tu ne peux pas. Enfin, une histoire, j'espère, bon, c'est pas là, j'espère que voilà, ça n'arrivera pas, mais c'est un projet, ils planifient ça, donc il faut absolument nous, on est plusieurs, nous, hein, face à eux. Ils sont en fait une minorité, donc on devrait normalement être beaucoup plus fort qu'eux pour empêcher tout ça. Hein. Oui, c'est sûr, ça, c'est... qu'on est beaucoup plus... Ben oui, si nous, on est des milliards, nous, hein, enfin, bon, voilà, contre eux, quoi, je sais pas, 500 000 peut-être, ou je sais pas, mais voilà, si tout le monde se lève et se fait entendre et refuse ça, mais c'est nous les plus forts, hein. Ouais, sauf qu'ils ont réussi à ce qu'on n'ait pas d'armes, à ce qu'on ait... T'as vu quand il y a une manifestation, ben, t'es un peu habitué aux manifestations ou bien pas trop? Oui, mais... T'as vu comment ils sont habillés, les flics? Oui, Robocop, moi j'appelle ça Robocop. Ouais, non, mais c'est, je dirais... Alors aussi, déjà, quelque part, de l'intelligence artificielle, des sortes de transhumains, là, hein, parce que je me dis, mais enfin, j'étais dans la 3 heures au cinquantenaire, donc j'ai pas eu de communiqué avec ces gens autour de moi. Hein. Allez, Ils parlent pas. Non, c'est... Des robots, des transhumains, je me dis, ce sont déjà... Oui, c'est pas des humains, en tout cas, hein, pour aller faire qu'est-ce qu'ils font là. Et quand on pose des questions, il y avait mon ami qui devait aller aux toilettes. Ils l'ont amené. Et finalement, elle n'a pas pu aller aux toilettes, j'ai appris après. Mais un homme qui on était face au mur du cinquantenaire, il y avait deux hommes qui ont uriné. Et ils étaient pris avec deux policiers, ils ne pouvaient pas uriner. Allez, là, ils agissent, voilà. Là, ils agissaient comme ça, ils voyaient tout, ils agissaient. Mais quand c'est une question de... Quand il y avait des gens qui se posaient des questions, pourquoi est-ce qu'on est arrêté? Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Là... Ils sont drillés pour que ça se passe comme ça, quoi. Quand je dis drillés, ils sont programmés pour que ça se passe comme ça, c'est-à-dire pas communiquer avec les gens, quoi. Parce que la communication, c'est déjà faire un pas vers l'autre. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, ça fait un peu peur, tout ça. Hein. Comment tu vois, toi, le futur ? Comment tu vois le futur ? Et toi qui es médecin, comment est-ce que tu vois ton avenir, ton travail ? Mais toi, tu as été empêchée de travailler par l'ordre des médecins ? Pas longtemps ? Non. Jamais ? Non, pas, tant que je suis en appel, je peux travailler normalement. Hein. Donc ça, c'est pas le problème. Mais oui, depuis que je suis en contact avec l'ordre, hein, ça fait maintenant 2 ans, hein, donc septembre 2020, hein, presque 2 ans, je me suis déjà fait l'idée que c'est possible que je perde mon numéro inami. Hein, donc voilà. Donc, Attends, il ferait ça. Bah, je crois qu'ils sont prêts à tout faire. S'ils ont des règles de plus haut, là, une question d'argent, oui. J'espère pas, naturellement. Hein, je dirais jusqu'au bout. Hein, je n'accepte pas de punition. C'est ça. J'ai eu difficile avec le fait aussi, hein, donc d'être puni, entre parenthèses, pour quelque chose. J'ai rien à me reprocher, hein, donc c'est la première fois dans ma vie où j'ai eu des problèmes de foie, de vésicule biliaire et tout ça pendant 3 mois, hein, donc j'ai jamais eu ça auparavant, mais c'est vraiment les organes, la colère, hein, donc interne, hein, donc impuissante, hein, l'injustice. Donc là j'ai compris aussi, je peux pas, je dois me défendre, je dois aller jusqu'au bout, quoi, pour ma propre santé. Je peux pas dire ok, je fais la sanction et comme ça on me laisse tranquille. Ça ne va pas avec ma conscience. Ça ne va pas avec ma santé. Voilà. Mais moi, je pense... Oui. Mais qu'est-ce que tu vas faire, du coup, alors ? Et comment tu vois l'avenir un peu de où on est ici, en Belgique, avec ces politiques menées voilà. On parle de... Quand même, il y a beaucoup de choses parallèles qui se construisent. Hein. Par exemple, du côté flamand, il y a Simon Zorgbundnu, hein, qui est apparu ici le 22 février 2022. Hein. Donc, c'est pour mettre les soignants en contact avec les gens qui veulent se faire soigner, mais donc sans discrimination. Hein. Voilà, pour les gens qui sont plus acceptés à l'hôpital parce qu'ils ne sont pas vaccinés et tout ça. Voilà, on est en train de créer un système parallèle. Enfin, je ne vais pas parler système, comment dire, quelque chose de parallèle. Hein. Donc, on veut créer des hôpitaux aussi, des maisons de repos, tout à côté, où tout le monde est accepté, en fait. Hein, et ils ont besoin de médecins là aussi. Donc, voilà. Du travail, j'en aurai. En tant que thérapeute, éventuellement. Hein, en tant que thérapeute, ou alors faire tout à fait autre chose. Je me dis, je suis ouverte à faire autre chose aussi. La politique menée, comment tu la vois ? Je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais comment tu la vois dans le futur, comme ça, évoluer ? Mais bon, je crois que il y aura encore une période très difficile pour passer du vieux monde, disons, au nouveau monde, hein, quelque chose. Tu crois à ça, au vieux monde et au nouveau monde ? On ne retournera pas. Enfin, dans qu'est-ce qu'il y a ici, c'est pour moi, c'est invivable. On ne sait pas continuer à vivre dans ce monde ici, maintenant, actuellement. Je crois que même les vaccinés, ça va être difficile pour eux aussi. Mais pourquoi là, je perds un peu le fil. Pourquoi tu dis ça ? Que c'est difficile là, maintenant, même pour les vaccinés ? Parce qu'ils prennent de plus en plus de non-liberté. Donc, et alors au niveau financier, regardez le gaz qui augmente et tout ça. Qui va payer tout ça ? Il va y avoir de plus en plus de pauvres. Voilà, donc... C'est déjà le cas, hein, t'imagines. Ça va encore être pire. Les faillites, ça va venir. Ça doit encore venir. Ces problèmes de 2 ans là, qu'ils ont mal gérés, tous les effets doivent encore venir. Donc, au niveau économique, au niveau de la santé, comment ça se fait que les hôpitaux, maintenant on entend même des gens qui ne sont pas acceptés à l'hôpital pour se faire repérer ou pour être vus par leur cardiologue qu'ils connaissent déjà depuis 10 ans parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou des choses pareilles. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà, ça c'est... Toi tu crois qu'on est vraiment dans une sale phase et qu'il y a une nouvelle phase, ça va aller mieux, quoi. Tu crois ça ? En tout cas, c'est qu'est-ce que j'espère, en tout cas. Je ne veux pas retourner en arrière dans le monde, avant, pré-Covid. Hein. Je n'ai pas envie de retourner là non plus parce que... Allez, en tant que médecin du travail, j'ai vu beaucoup de burn-out aussi. Hein. Les gens, allez, au travail, ça ne va pas non plus. Hein. Moi aussi, au travail, ça ne va pas. Ça doit changer. Hein. Il faut une société beaucoup plus humaine hein, à chaque niveau. On ne peut pas continuer dans ça. Et puis le crash, avec tout ce que l'argent qu'ils ont imprimé, là, je ne sais pas, pour le Covid et le vaccin, il va y avoir un crash économique. Et ça va nous mener où ? Donc, fils, on devra créer autre chose pour moi. Voilà. Donc il va avoir quelque chose d'autre. Il va, c'est pas tout va s'écrouler. Oui, soit quelque chose de plus dur encore, tu vois, ou soit quelque chose qui se transforme vraiment, quoi. Peut-être on devra, enfin, pour certaines choses, on devra passer par quelque chose encore de plus dur. Mais je pense qu'après il y aura, oui. J'espère, en tout cas, j'espère que je rêve qu'il y a quelque chose de mieux. En tout cas, il y a déjà plein de gens, les 10% là, qui sont éveillés, qui sont en train, ils sont très actifs, aussi bien au niveau médical que d'autres choses. Les écoles, hein, on parle déjà d'écoles à domicile, si les enfants doivent se faire vacciner obligatoire à l'école, il y a déjà plein de choses comme ça qui se créent, des écoles alternatives, quoi. Hein. Donc, il y a plein de trucs... Oui, qui se crée déjà. Eh ouais, ça, on verra bien. On verra bien comment les choses se passent. Mais c'est aussi du conflit, hein. Ce chouette monde dont tu parles, viendrait comme ça s'installer tout doucement. Je crois que il va y avoir du conflit. Ben là, il y a la guerre, quoi. Tu vois, il pourrait. Aussi décider que ce soit la guerre là maintenant, tu vois. Moi, j'appelle déjà ça une guerre ici. Ouais, hein. T'as raison. C'est une guerre biologique pour moi, hein, donc invisible et biologique, hein, mais pour moi, c'est une guerre. Hein. Ouais, voilà. Oui, il y a certains experts qui disent 5, maximum 10 ans avant voilà, d'avoir quelque chose de. Que les gens soient éveillés, voilà. Mais c'est ça qu'il faut, c'est que les gens se réveillent, quoi. Hein, donc, et ça, il faut peut-être 5 à 10 ans pour que ça se passe. Mmh. Et alors, ça change. Gaëtane Bécart, merci à toi. Hein. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose ? Parce que moi, je ne t'ai pas sollicité sur... spontanément. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose de particulier ? Mais je crois que en effet, il faut rester positif, il faut rester lucide. Donc la peur hein, empêche de vivre, enfin n'empêche pas de mourir, mais elle empêche de vivre. Donc voilà, la peur est quelque chose d'humain, mais il faut essayer de rester positif quand même malgré ça. Ok, on va essayer. Merci. Hein.